âme qu'à 16 rue des déportés. Carreau glacé par le froid de l'été. William K. assis comme assiégé par les lumières de sa télé. William K. ouvre sa porte, regarde le temps, regarde le vent. William K. regarde, il t'emporte, toi qui le braves si rapidement. William K. tu en tête pour bousculer ce qui t'arrête. William K. quelle est ta quête? Un visage et regret. William, que fais-tu dans cette boucherie? Si énergique, si agité. William, qu'est-ce qui t'a pris? Quand tu as étranglé le boucher. William K. 16 rue des déportés. Carreau glacé par le froid de l'été. William K. assis comme assiégé par les lumières de sa télé. William K. tueur de boucher. William K. tueur de boucher. William K. tueur de boucher.